demi-heure de whisky, de liqueur, de pétard, de lucky. Je sombre avec envie dans les délices du vide, des illusions morbides au milieu de ma piole. J'effeuille les tournesols. Elle vient comme elle respire, de glace édulcorée.